Panamé, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 70. De la patience. Veux-tu mériter le titre glorieux d'homme patient? Ne cherche point à te soustraire à l'adversité. Si, dans le temps de l'épreuve, tu as le visage triste et abattu, ne prétends pas à la gloire d'être compté parmi les hommes patients. Celui qui ne supporte point l'affliction avec patience, ne passera jamais pour reconnaissant, aux yeux des gens de bien. Ta patience n'aura de mérite que tant que tu t'abstiendras de toute plainte. Garde-toi, mon ami, de te plaindre aux hommes. Si tu ne te fais pas gloire de ta pauvreté, comment pourras-tu être compté parmi les véritables fakirs? Fakir signifie pauvre, et c'est aussi le nom qu'on donne aux religieux musulmans. Si tous tes mouvements sont soumis aux ordres d'un supérieur, ta dépendance t'inspirera un grand respect. L'état de service conduit à la récompense de la vie future, mais le respect mène à la possession de Dieu même. Le respect que tu auras conçu fera, dans l'état de service, le repos de ton cœur, celui qui se soumet au service, ne peut manquer d'être heureux. Mon fils, si tu n'approches jamais de la désobéissance et du péché, alors tu pourras te vanter de posséder la patience, mais si tu portes encore un regard de désir et d'espérance vers les joies du monde, tu ne peux prétendre au mérite de la patience dans le temps de l'épreuve. Par service, dépendance, j'entends la soumission aux ordres d'un homme plus avancé dans la vie spirituelle, que le jeune novice choisit pour son guide, et au service duquel il se consacre. Notre auteur a déjà fortement recommandé cette pratique dans le chapitre 54. Quant au mot que j'ai traduit par respect, je crois qu'il a, dans le langage des soufis, une signification en quelque sorte technique. Ferry et Dinatar, dans la vie des saints, dit d'un pieux soufi, nommé Minshah, qu'il était un prodige dans les pratiques de mortification et le service, dans les exercices de la contemplation et le respect. Les soufis qui aspirent à une haute spiritualité s'attachent successivement aux hommes qui jouissent d'une grande réputation de sainteté. Saadi, dans le Boustan, recommande cette pratique comme le vrai moyen de parvenir, en essayant successivement de beaucoup de directeurs, à en trouver un d'un mérite extraordinaire. Je citerai une portion de ce qu'il dit à ce sujet. Ô homme, si tu cherches la société des sages, ne néglige pas un seul instant de t'attacher au service des hommes. Donne à manger au passereau, à la perdrix, à la colombe, peut-être un jour l'aigle royal tombera-t-il dans tes filets. Si tu décoches de toutes parts la flèche des supplications, tu peux espérer de frapper quelque jour, au moment où tu y compteras le moins, une proie de grand prix. Parmi un grand nombre d'huîtres, il se trouvera une perle, 200 flèches tirées, une pourra parvenir au but. Un voyageur perdit un jour son enfant, qui était tombé de dessus son chameau. Il parcourut, dans l'obscurité de la nuit, tout le campement de la caravane, il s'informa à chaque tente, il courut de tous côtés. Enfin, il retrouva au milieu des ténèbres, ce cher enfant, la lumière de ses yeux. Quand il fut revenu vers ses compagnons de voyage, j'entendis qu'il disait au conducteur de la caravane, « Savez-vous comment j'ai découvert l'ami de mon cœur? À tous ceux que je rencontrais, je disais, c'est lui. » Les hommes sages courent après tout le monde, dans l'espoir que peut-être un jour ils rencontreront un homme. Pour s'assurer un cœur, ils portent toutes sortes de fardeaux, pour posséder une rose, ils dévorent les épines. Chapitre 71. Du dépouillement et de l'isolement. Si tu désires jouir d'une parfaite pureté de cœur, embrasse un entier dépouillement. Si tu es sage, tu imiteras la conduite des hommes prudents, et tu te joindras à eux. Le dépouillement, ô mon fils, consiste à renoncer à toute prétention. Comprends bien ce que signifie le mot isolement. Le premier degré du dépouillement, c'est de dire un éternel adieu à toutes ses convoitises, c'est plus encore, c'est de se séparer entièrement de tous les plaisirs. Si tu fais une fois un divorce sans retour avec toutes tes passions, alors tu n'auras point ton pareil dans la vertu de l'isolement. Si tu renonces à toute espérance des choses créées, tu auras tout le mérite d'un parfait dépouillement. Lorsque Dieu sera ton unique appui, ton âme sera dans un véritable et parfait isolement. Abandonne les biens du monde pour ceux de l'éternité, dépouille-toi de tes vêtements précieux. Si tu parviens à ce bonheur, tu posséderas le vrai dépouillement. Si, pour l'amour de Dieu, tu renonces même au bonheur de l'autre monde, et tu t'en laves les mains, on te prendra pour modèle dans la carrière de l'isolement. Va, mon fils, dépouille-toi de tout, tiens-toi isolé et séparé de tout, deviens aussi bas que la poussière, afin d'être assis au-dessus de tout ce qu'il y a de plus élevé. Éloigne-toi de l'orgueil, de l'amour propre, et de l'attachement à ton propre sens, connais-toi toi-même, et ne t'agite point de côté et d'autre. Celui qui marche autour d'un brasier de charbon, a ses vêtements noircis et gâtés par la fumée, et celui qui s'approche d'un parfumeur, contracte une portion de l'odeur agréable qu'il exhale. J'ai déjà cité plusieurs zones mystiques, où l'on a vu cette sorte d'enthousiasme qui rend les soufis indifférents au bien même de l'autre vie, pourvu qu'ils parviennent à cet état sublime de spiritualité qui les identifie avec Dieu, l'objet de leur amour. Les deux odes suivantes de Hafiz ne seront point encore déplacées ici. Ode. Tu peux à juste titre lever un impôt sur toutes les beautés qui ravissent les cœurs, puisque, comme une couronne, tu domines sur la tête de toutes les belles du monde entier. Tes deux yeux, à qui rien ne résiste, ont renversé l'empire du Cathay et de Khotan, Matchin et l'Inde, assujettis, ont reconnu par des tribus la puissance des anneaux que forme ta chevelure. C'est-à-dire, tu l'emportes sur toutes les beautés de ces contrées, célèbres par les charmes de leurs jeunes garçons et de leurs jeunes filles. La blancheur de ton teint surpasse l'éclat de la lune dans la nuit de Bedr, la noirceur de tes boucles le dispute à celle des ténèbres les plus obscures. La bataille de Bedr eut lieu dans la pleine lune de Ramadan, le 17 du mois. Bedr, nom du lieu où elle se livra, signifie pleine lune. Non, jamais je ne serai délivré de la maladie qui m'accable, si mon cœur n'obtient de toi-même le remède qui peut apaiser ses douleurs. Le miel qui distille de ta bouche, l'emporte sur la douceur de la fontaine de Kedr, le sucre qu'on recueille sur tes lèvres, a mis à la portée de tout le sirop délicieux que fournit la canne de l'Égypte. Pourquoi ? Par l'insensibilité de ton cœur, aussi dur que la pierre, brises-tu mon âme? Pourquoi brises-tu un cœur plus délicat et plus fragile que le verre? Ta bouche est la source de vie, le poil follet qui en couvre les approches, et Kedr, qui veille à la garde du trésor. Ta stature est celle d'un cyprès, ta taille aussi mince qu'un cheveu, ton sein blanc comme l'ivoire. Hafiz est devenu éperdument amoureux d'une royale beauté telle que toi, plus hadieux que le pauvre ait pu être ton humble serviteur, la poussière de ta porte. Ode. Si, Dans la secte que tu professes, il est permis de verser impunément le sang des amants. Nous sommes prêts à approuver tout ce qui peut te plaire. La noirceur de tes cheveux est l'ouvrage de celui qui a créé les ténèbres. La main qui a donné naissance à l'aurore a aussi formé la blancheur de ton teint. De mes yeux coulent dans mon sein de ruisseaux abondants. Le plus habile pilote n'oserait s'exposer à leurs flots menaçants. Tes lèvres, qui sont la fontaine de vie, entretiennent l'existence. C'est là que notre nature, formée d'une vile poussière, s'abreuve d'un vin délicieux. Personne ne saurait échapper au lac perfide de tes boucles, à l'arc de tes sourcils, à la flèche de tes yeux. Ne nous demandez ni vertu, ni pénitence, ni piété. La vertu ne fut jamais le partage d'un libertin que l'amour agite de ses transports les plus furieux. Puisse la langue de Hafiz ne connaître d'autre exercice de dévotion que de prier pour la conservation de tes jours, aussi longtemps que se succéderont constamment le matin et le soir. À ces deux odes de Hafiz, j'en ajouterai une de Jami, qui doit aussi être entendue dans un sens mystique, quoique le poète semble n'avoir pour objet que de chanter la chevelure de sa maîtresse car dans le langage allégorique des soufis, les boucles ou les anneaux de la chevelure signifient les mystères de la divinité qui captive les cœurs des hommes spirituels. C'est ce que dit un commentateur de Hafiz, sur ce vers qui fait partie de la sixième des odes de ce poète, publié par Rovinsky. Si la raison savait de quelle volupté jouit notre cœur, captive dans les anneaux de ta chevelure, tous les hommes sages couraient avec une sorte de fureur après les chaînes que nous portons. Sur quoi le commentateur dit, par ces boucles de cheveux et cette chaîne, il faut entendre les mystères de la divinité et l'application de l'esprit à la vérité, être lié de ces chaînes est la plus douce de toutes les voluptés. Ode. Ô toi qui as enlacé mon cœur dans le filet de tes boucles, le seul nom de ta chevelure bouclée est devenu un filet pour les cœurs. Oui, tous les cœurs sont enchaînés dans les anneaux de ta chevelure. Chacune de tes boucles est un filet et des chaînes. Ô toi dont les boucles me retiennent captif, c'est un honneur pour ton esclave d'être asservi sous les chaînes de tes anneaux. Quel autre voile conviendrait mieux aux roses fraîches de ton teint, que celui de tes boucles, noires comme le musc? Les oiseaux fuient le filet, mais, chose étonnante, mon âme qui ne connaît point le repos, se plaît dans les chaînes de ta chevelure. Tes boucles habitent une région plus haute que celle de la lune. Ah, qu'il est élevé le lieu qu'occupe ta chevelure pour Jami, pour ton esclave. C'est de la nuit obscure de tes boucles que se lève à tout instant l'aurore de la félicité. Le texte de cette ode est d'un charme inexprimable, que l'on chercherait inutilement dans une traduction. Saadi, dans le Boustan livre 4, raconte le trait suivant d'humilité, du célèbre saphide Jonéide. J'ai ouï dire que Jonéide un jour rencontra dans la plaine de Sanaan, un chien qui avait perdu toutes ses dents à force de chasser. Ses griffes, qui autrefois auraient saisi un lion, n'avait plus aucune force, il n'avait pas plus de vigueur qu'un vieux renard. Lui qui auparavant atteignait à la course la biche et l'antilope, se laissait alors donner des coups de pied par les brebis de la tribu dont les troupeaux paissaient dans cette plaine. Jonéide voyant le pauvre animal dans cet état de faiblesse et d'impuissance, partagea ses provisions avec lui. Il disait en pleurant, ainsi qu'on me l'a raconté, qui sait lequel de nous deux est le meilleur? Aujourd'hui je parais valoir mieux que lui, mais c'est je ce que le sort me destine. Si ma foi vient à chanceler et à faire un faux pas, Je me hâterai de poser sur ma tête la couronne de l'indulgence divine, mais si je viens à être dépouillé du vêtement de la connaissance de Dieu, je serai bien au-dessous de cet animal, car avec quelque défaut que ce chien termine ses jours, on ne le jettera pas dans l'enfer. Telle est, ô Saadi, la voie dans laquelle il faut marcher. Jamais les hommes religieux ne jettent sur eux-mêmes un regard de complaisance. S'ils sont élevés au-dessus des anges, c'est parce qu'ils ne se croient pas meilleurs qu'un chien. Chapitre 72. Des avantages qu'on se procure en fréquentant les gens de bien et en fuyant la société des méchants. Mon fils, fréquente la société des gens de bien, éloigne-toi du commerce des méchants. Cher ami, ne cherche point à former de liaison avec le pécheur, si tu le fais, tu lui deviendras semblable. Fakir, à toi de fuir loin des prévaricateurs, afin que tu ne sois pas consumé par les flammes cruelles de l'enfer. La société du méchant est semblable à un feu dévorant, car il ne se plaît qu'à faire du mal aux hommes, il est cruel et indomptable. Tu deviendras vertueux dans la société des hommes vertueux, mais si tu fréquentes les méchants, tu te pervertiras. Celui qui est uni d'amitié avec les gens de bien, sera admis dans le séjour des amis de Dieu. Mon fils, ne t'écarte point du sentier de la loi, si tu t'attaches au rameau, tu trouveras le tronc. Si ton pied sort du chemin de la foi, tu tomberas dans l'égarement, l'affliction et les angoisses. Quiconque marche dans le sentier de l'erreur, n'aura pour fruit de son imprudence que le néant et la vanité. Ne cherche que Dieu, et éloigne-toi de toute action vaine et coupable, ne te distingue que par la libéralité et l'humanité. L'homme qui ne choisit point la voie droite, aura pour demeure les tourments de l'enfer. Mon frère, ne pose point le pied dans les sentiers de Satan, pour ne pas attirer sur toi la confusion et une mauvaise renommée. Celui qui marche dans la voie de la vérité, craint nuit et jour la colère du roi tout-puissant. Mon fils, que ton occupation soit de résister à ta concupiscence, afin que tu ne tombes pas honteusement dans l'enfer. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.